A chaque fois j'ai de l'inspi, j'ai un stylo dans la main droite. Avec le temps j'ai grandi, mais les rimes restent maladroites. A chaque fois je n'en suis mes pages, j'ai souvent mes nuits passées. Comprends pourquoi je dors pas assez et que mes rêves sont fracassés. Dès que j'ai un truc à dire, pas cousin, j'ouvre ma gueule. Pas la peine de se mentir, moi je préfère finir seul. A chaque fois qu'on me félicite, ça sent le faux cul à 300 mètres. Alors en bas tes belles paroles, et tu sais où tous les mettre. A chaque fois que je fais du rap, bah je suis seul dans mon délire. Car c'est dit qu'on ne l'aime pas, les frangins je préfère en rire. A chaque fois que je m'énerve, bah c'est qu'il y a une raison. Et mon caractère ne change pas. C'est le même à chaque saison, à chaque fois que je prends la plume, c'est que j'ai d'inspiration. Et même si je n'use pas la lutte, j'aurai toujours d'admiration. Pour tous ces mots que j'écris, pour tous ces mots que je crie. L'écriture est une passion, l'écriture est un passant. Moi je trouve ça épatant, moi la feuille je l'ai me tord. Alors à chaque fois je la gratte, c'est l'envie qui me démange. Et à chaque fois c'est pareil, personne ne veut comprendre. Donc à part mes deux oreilles, pas personne ne peut m'entendre. Tu m'entends quand je vais bien, tu m'entends quand je vais mal. À chaque fois que je prends le mic, c'est pour un confessionnal. À chaque fois, à chaque rime, à chaque page, à chaque thème. A chaque fois que je te vois, prends moi tu me fais la peine. Tu m'entends quand je vais bien, tu m'entends quand je vais mal. A chaque fois que je prends le mic, c'est pour un confessionnal. A chaque fois, à chaque rime, à chaque page, à chaque thème. Ma musique c'est pour moi, rien à foutre si personne m'aime. C'est pour tous ceux qui connaissent, des freestyles dans la caisse. A chaque fois je prends le volant, t'entends du rap à chaque tournant. L'hier, mot allume la scène, et à chaque fois ça me fascine. Car les mots je les manie, c'est devenu trop facile. Je fais des rimes à la racine, et je fais des phrases à la Molière. T'as compris d'où vient mon place, et je peux te dire que j'en suis fier. À part ça je suis un jeune. Au million à des milliers, dès qu'on parle de mon avenir, à chaque fois je veux des billets. Dès que je me lève le matin, je me sens d'humeur à me recoucher. À chaque fois que tu m'insultes, je me sens d'humeur à te toucher. Je suis fier de mes origines, donc je suis fier de ma couleur. Donc je suis fier d'être français, mais j'emmerde le FN. Je m'en fous si ça te gêne. Moi je dis toujours ce que je pense, et je pense ce que je dis. C'est ma philosophie que j'applique tous les jours, comme un soldat de la vie. Mais en maths et moi je vais tour, que parfois je change d'avis. Tu m'entends quand je vais bien, tu m'entends quand je vais mal. À chaque fois que je prends le mic, c'est pour un confessionnal. A chaque fois, à chaque rime, à chaque page, à chaque thème. A chaque fois que je te vois, prends-moi tu me fais la peine. Tu m'entends quand je vais bien, tu m'entends quand je vais mal. A chaque fois que je prends le mic, c'est pour un confessionnal. A chaque fois, à chaque rime, à chaque page, à chaque thème. Ma musique c'est pour moi, et rien à foutre si personne n'aime. Quand je suis de mauvaise humeur, à chaque fois je parle à personne. Quand on fait un coup de pute, à chaque fois la haine m'assomme. Je m'en parle de ce que tu penses, mets-toi bien ça dans le crâne. Moi j'emmerde ta délinquance et tous ceux qui en sont fans. Mais putain c'est pas possible, dans quel monde j'ai voulu. Les remords m'ont pris pour. Mais c'est pas ça que j'ai voulu. Les jours passés se ressemblent et la routine est démoniaque. Tout le monde me critique, appelle-moi le paranoïaque. A chaque fois que je suis franc, j'ai l'impression de mentir. J'ai pas encore 73 ans que je dois déjà me repentir. Et sinon à part ça, t'inquiète pas je me porte bien. Car j'ai trouvé par hasard un passe-temps qui me convient. Guillermo, à chaque fois. Je fais des rimes à la racine et je fais des phrases à la Molière. J'ai pas encore 73 ans que je dois déjà me repentir. Bra bra bra bra. Tu m'entends quand je vais bien, tu m'entends quand je vais mal. A chaque fois que je prends le mic, c'est pour un confessionnal. A chaque fois, à chaque rime, à chaque page, à chaque thème. A chaque fois que je te vois, prends-moi, tu me fais la peine. Tu m'entends quand je vais bien, tu m'entends quand je vais mal. A chaque fois que je prends le mic, c'est pour un confessionnal. A chaque fois, à chaque rime, à chaque page, à chaque thème. Ma musique, c'est pour moi, et rien à foutre si personne n'aime.